Oh, elle me prendra dans ses ailes, qu'elle ne parlera que d'elle. Je verrai mon lit en miel. Mais aujourd'hui, je ne suis capable de rien du tout. Je m'ennuie trop perché dans ce coucou. J'aimerais bien voir du pays, jouir de ma vie, un point c'est tout.